إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحيث يستعد الناس للسفر إلى بلادهم، كان عنوان هذه الخطبة حول السفر وآدابه وبعض النصائح الموجهة للمسافرين. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الأسفار ثلاثة: فسفر طاعة كالسفر لأداء مناسك الحج والعمرة أو صلة الرحم أو زيارة مريض ونحو ذلك. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته أي على طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم في صحيحه. وهناك سفر معصية كالسفر لارتكاب المحرمات، أو سفر المرأة بدون محرم، أو شد الرحال لزيارة القبور. فعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. رواه مسلم في صحيحه. وهناك سفر مباح، وهو سفر التجارة والنزهة والسياحة والبريئة والصيد وغير ذلك. Au moment où les gens se préparent à voyager, le sujet de ce discours porte donc sur le voyage, sur les comportements à adopter pendant celui-ci et sur quelques conseils qui sont dirigés à l'ensemble des voyageurs. Sachez que les voyages sont au nombre de trois. Il y a le voyage qui est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme de voyager pour accomplir le pèlerinage, ou pour accomplir la umrah, ou pour nouer des liens de parenté, ou pour visiter un malade, ou pour visiter un frère et un musulman pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme a visité son frère dans une contrée lointaine. Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur son chemin un ange. Lorsque cet ange est venu à cet homme, il lui a dit: où vas-tu? Cet homme a répondu: je vais en direction de mon frère qui habite dans telle et telle contrée. Et l'ange lui a dit: as-tu un bénéfice à aller le voir? Il a dit: non, sauf que je l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet ange de lui informer en lui disant, je suis l'envoyé d'Allah à toi pour t'informer qu'Allah t'aime comme tu as aimé ton frère en Allah. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Et il y a les voyages qui sont interdits, les voyages qui sont entrepris afin de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de voyager pour forniquer, de voyager pour être à l'abri des regards de son entourage, pour commettre à ces milliers de kilomètres tous les péchés et toutes les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. De même que le fait que la femme voyage seule, sans qu'elle ne soit accompagnée d'un membre de sa famille qui lui est interdit au mariage, eh bien, ce voyage est également un voyage interdit. Également, de voyager dans le but de visiter une tombe ou d'accomplir une adoration autre dans une mosquée, autre que les trois mosquées. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne voyage qu'en direction de trois mosquées. Ma mosquée-ci, la mosquée de la Mecque et la mosquée de Jérusalem, rapportée par Al-Bukhari, Muslim. Et selon Abdullah ibn Abbas, il a entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il exhortait les gens sur le minbar dire qu'un homme ne reste pas tête à tête avec une femme, sauf si elle est en présence d'un de ses mahrams, et qu'une femme ne voyage pas sans qu'elle ne soit accompagnée de son mahram. Un homme s'est alors levé et a dit, « Oh, envoyé d'Allah, ma femme est partie pour accomplir le pèlerinage. Et quant à moi, j'ai été désigné pour participer à telle et telle bataille. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, « Pars et va rejoindre ta femme et accomplis le pèlerinage avec elle. » Hadith authentique, rapporté par Muslim dans son Sahih. Et il y a bien sûr le voyage qui est autorisé, comme le voyage dans le but de commercer, le voyage dans le but de se reposer et de se distraire, ou de voyager, ou de chasser, et autres. ثم اعلموا ايها المسلمون ان من عزم على السفر فليبدا بالتوبه من المعاصي ويخرج من مظالم الخلق ويقضي ما امكنه من ديونهم ويرد الودائع التي ثم يستحل ممن كان بينه وبينه مماطله في شيء ويكتب وصيته ويوكل من يقضي دينه ما لم يتمكن من قضائه ويترك لأهله ما يلزمهم من نفقة ونحوها ويستحب له أن يطلب رفيقا موافقا راغبا بالخير عارفا في الشر إن نسي ذكره وإن ذكره أعانه ويستحب السفر يوم الخميس لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا في يوم الخميس والسنة أن يخرج المسلم باكرا لحديث سخر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها اللهم بارك لأمتي في بكورها والسنة أن يؤمر أحدهم لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم فليؤمر أحدهم. Et quant à celui qui entreprend un voyage, qu'il commence tout d'abord par se repentir à Allah Azza wa Jal de tous les péchés qu'il a commis, et il doit se libérer de toute offense qu'il ait recommis aux gens, de rembourser ses dettes, et de donner des biens qui auraient été éventuellement empruntés. Également, le voyageur doit écrire son testament avant de partir, s'il a des choses à léguer, et il doit laisser bien sûr à sa famille la subsistance nécessaire pour qu'elle puisse vivre aisément lors de son absence. Et il est demandé au voyageur de voyager en étant accompagné, de l'ami sincère, de l'ami conseillé, d'une personne qui, lorsqu'elle te verra désobéir à Allah, te rappellera. Et une personne qui t'aidera à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sunna également dans le voyage et de voyager le jeudi. Comme cela est rapporté par Ka'b ibn Malik qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait en voyage, le plus souvent, il sortait le jeudi. Et il est préférable de sortir dans les premières heures de la journée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation en faveur de cette communauté en disant « Oh Allah, accorde la bénédiction dans ma communauté durant les premiers jours de la journée. » Et il est demandé, lorsque les voyageurs sont nombreux, de désigner un émir, un chef de voyage, comme l'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. « Wa la yansa fi awwali safarih, du'a as-safar » اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والسفر أيها المسلمون موطن من مواطن إجابة الدعاء فعلى المسافر استغلال هذه الفرصة بالدعاء له ولوالديه وذريته وذوي رحمه والمسلمين بدعوة لعلها توافق ساعة استجابة فيفوز بخيري الدنيا والآخرة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. Et n'oublie pas, chers voyageurs, de dire l'invocation du voyageur, de dire Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wa taqwa. Oh Allah, nous te demandons dans ce voyage la charité et la piété et les actes que tu agrées. Oh Allah, facilite-nous ce voyage et réduis-nous-en le trajet. Oh Allah, tu es le compagnon de voyage et tu es celui qui garde la famille que nous laissons. Oh Allah, nous te demandons la protection contre les peines et les difficultés et contre le fait que contre le mauvais virement dans les biens et la famille. Et sachez que le voyage est un moment dans lequel les invocations sont exaucées. Profite donc de ce moment pour faire des invocations en ta faveur, en faveur de tes parents, en faveur de ta progéniture, en faveur de ta famille et de l'ensemble des musulmans, en espérant que ton invocation coïncide avec ce moment d'exaucement dont nous a informé le prophète alayhi salatu wassalam. Dans le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Trois invocations sont exaucées, point de doute sur celles-ci, l'invocation du père, l'invocation du voyageur et l'invocation de l'opprimé. Wa min fadlillah anna al-a'mal allati kana ya'maluha al-'abdu min al-a'mal as-salihah wa allati tafutuhu bi sabab safarihi فإنها تكتب له وإن لم يعملها وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا ورسول عليه الصلاة والسلام كان في سفره إذا علا على شرف كبر وإذا هبط واديا سبح فيشرع للمسافر التكبير إذا ارتفعت به الأرض والتسبيح إذا انخفضت به الأرض فعن جابر بن عبد الله قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا رواه البخاري ومسلم ومن أحكام المسافر أيضا المسح على الخفين فعن صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن رواه الترمذي فيجوز إذا للمسافر أن يمسح على الجوارب وهو مسافر ثلاثة أيام بلياليهن يبتدئ المسح من أول مسحة يمسحها ومن الأحكام أيضا التيمم فإن الله عز وجل جعل التراب بدلا غافلا عن الماء عند انعدامه أو تعذره، فالمسافر قد ينقطع به الماء فلا يجوز له تأخير الصلاة، بل يتيمم بالتراب ويصلي، فيضرب الصعيد ضربة واحدة يمسح بهما وجهه ثم كفيه، والتراب يرفع الحدث الأصغر والأكبر. Puis sachez, chers musulmans, que parmi les mérites du voyage et parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que celui qui voyage, et lui sont inscrits les adorations qu'il avait l'habitude de faire lorsqu'il était résident. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque le serviteur tombe malade ou lorsqu'il voyage, il lui est inscrit les actes qu'il faisait lorsqu'il était résident et en bonne santé. Et le prophète alayhi salatu wassalam proclamait la grandeur d'Allah lorsqu'il montait des côtes, et il proclamait le tasbih. Il proclamait le tasbih lorsqu'il descendait une vallée. Et sachez également que parmi les jugements du voyage, et autres que le voyage également, c'est le fait d'essuyer sur ses chaussettes ou ses bottines. Safwan ibn Assal dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, lorsque nous étions voyageurs, de ne pas enlever nos chaussettes et nos bottines trois jours avec leur nuit. Il est donc autorisé aux voyageurs d'essuyer sur ses chaussettes ou ses bottines lorsqu'il est voyageur pendant une durée de 72 heures, 3 jours et leur nuit. Et le moment d'essuyage commence à partir de la première fois où il aura essuyé. Et également, parmi les jugements que doit connaître le voyageur, c'est le tayammum, les ablutions sèches, car Allah Azzawajal a fait de la terre un moyen de purification lorsque l'eau est absente ou lorsqu'il est impossible de l'utiliser. Ainsi, le voyageur qui est privé d'eau, il lui est interdit de retarder la prière de son heure. Il doit obligatoirement appliquer et mettre en œuvre le tayammum en frappant ses deux mains sur le sol, puis en essuyant son visage et ses mains. Et le tayammum lève le grand état d'impureté comme le petit. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومن أحكام السفر أيضا جواز الفطر في رمضان. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن عبد وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، وهو مكان بين مكة والمدينة، وهو أقرب إلى المدينة، فأفطر عليه الصلاة والسلام، فأفطر الناس معه، متفق عليه. والإنسان مخير بين الصيام والفطر بحسب قدرته. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن حمزة بن عمر الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Et parmi les jugements du voyageur, c'est l'autorisation au voyageur de rompre et de ne pas jeûner pendant le ramadan. Allah Azza wa Jalla a dit, son le sang, c'est celui qui est malade ou en voyage, alors qu'il reporte à un autre jour. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de Médine vers la Mecque pendant le mois du ramadan. Il a jeûné jusqu'à être arrivé à l'endroit appelé Al-Kadid, qui est plus proche de Médine que de la Mecque. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, en voyant la difficulté de jeûner, a demandé qu'on lui apporte de l'eau, il a alors bu devant les gens, et les gens ont bu après lui, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Le musulman a donc le choix pendant le ramadan, lorsqu'il est en voyage, de jeûner ou de rompre le jeûne. Ceci en fonction de sa possibilité et de sa capacité. Aïcha radiallahu anha rapporte que Hamza ibn Umar al-Aslami a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dois-je jeûner en voyage? Et Hamza ibn Umar était une personne qui jeûnait beaucoup. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, si tu veux jeûne, et si tu veux, ne jeûne pas. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans le hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il dit que nous voyagions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui jeûnait ne faisait pas de reproche à celui qui jeûnait pas. Et celui qui ne jeûnait pas ne faisait pas de reproche à celui qui jeûnait. Wa min ahkami safari aydan. وهذا من رخص الله عز وجل قصر الصلاة وجمعها فإن المسافر يجوز له أن يقصر الصلاة ويجمع أيضا ما دام أنه مسافر حتى يرجع إلى بلده وفي حديث عبد الله بن عباس قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة لا نخاف إلا الله نصلي ركعتين فالمسافر يجوز له قصر الرباعية ركعتين وله الجمع أيضا سواء جد به السير أم لم يجد به السير ما دام أنه مسافر لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عامر بن وائل أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت له خيمة يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ويسقط عن المسافر السنن الرواتب التي كان يصليها مقيما وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء وباقي السنن التي كان يحافظ عليها حال إقامته يفعلها في السفر أيضا أما راتبة الفجر والوتر فما كان يدعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا. Et parmi les jugements et les dérogations d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant le voyageur, c'est l'autorisation pour lui de raccourcir les prières et de les rassembler. Le voyageur a donc le droit de raccourcir les prières et de les rassembler tant qu'il est en voyage, et ceci jusqu'à ce qu'il retourne à son pays. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a dit que nous voyagions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre la Mecque et Médine, nous n'avions peur que d'Allah, et nous prions deux raka'at. Et il est autorisé donc aux voyageurs de raccourcir les prières de quatre raka'at en deux. Quant à la prière de trois raka'at comme al-Maghrib, elle ne peut pas être raccourcie. Quant aux prières de deux raka'at comme al-Fajr, elle ne peut être raccourcie également. Et il est autorisé de rassembler les prières, que la personne se déplace dans son voyage ou si elle s'arrête un moment. Il lui est autorisé dans les deux cas qu'elle roule, qu'elle se déplace ou qu'elle s'arrête pendant quelques jours dans un endroit. Il lui est autorisé dans les deux cas de rassembler les prières, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année de Tabouk, lorsqu'il a établi une tente et le prophète alayhi salatu wassalam résidait dans cette tente pendant trois jours et pendant trois jours il raccourcissait et rassemblait les prières sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et le voyageur est exempté des sunan al-rawatib, des prières qui sont accomplies avant la prière et après la prière de dhuhr, après la prière de l'maghrib, après la prière de l'isha. Et quant aux prières de l'fajr et la prière de l'witr, le prophète alayhi salatu wassalam ne les délaissait jamais, qu'il soit résident ou voyageur sallallahu alayhi wa ala alihi wassalam. Wa yasunnu lil musafir an yad'u bima kana yad'u bihi rasulullah sallallahu alayhi wassalam idha raja'a min safar. Fa'an Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، رواه مسلم. ومن السنة أن يبدأ المسافر عند رجوعه بالمسجد فيركع فيه ركعتين. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فعن كعب بن مالك رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. Et il est recommandé aux voyageurs de faire l'invocation que faisait et que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il revenait de voyage. Il disait sallallahu alayhi wa sallam آئبون تائبون, nous nous repentons, عابدون, et nous adorons notre Seigneur en le louant. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait cette invocation avant d'arriver, un peu avant d'arriver et jusqu'au moment où il entrait en ville. Et parmi la sunna également, c'est que le voyageur, lorsqu'il revient de voyage, doit se rendre à la mosquée pour y accomplir deux unités de prière. Comme le rapporte Ka'b ibn Malik radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il revenait de voyage, il commençait par la mosquée. Il y accomplissait deux unités de prière, puis il s'asseyait pour accueillir les gens. Sallallahu azza wa jal, أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل سفرنا سفر طاعة. اللهم إنا نعوذ بك من سفر المعصية. اللهم إنا نعوذ بك من سفر المعصية. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم ردهم إلى طريقك ردا جميلا. اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه. اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد